Merci. On va rester dans les intérieurs, la description des intérieurs, sur un autre espace. Je vous laisse Gabor, pour sa mangeoire. Chers collègues, c'est une lecture terre à terre et très rapide de quelques tableaux et d'un objet qui représente. Je vais procéder très vite. Dans un premier temps, à l'époque où l'on produit seulement quelques dizaines de milliers de samovars par an en Russie, l'engin est presque un symbole de statut. Il se répand dans la bonne société, même les officiers qui bivouaquent dans le désert en auront un. Vers la fin du siècle, notre engin peut rappeler les phases d'antan. Peu de choses restent de l'ancien mobilière. L'objet le plus élégant de la vieille dame qui rêve du passé est un beau samovar bien entretenu. Chose inimaginable dans la société respectable, le samovar chauffe une cafetière métallique au lieu d'une théière en porcelaine. À partir du milieu du 19e siècle, les écrivains et les peintures commencent à représenter des samovars dans des milieux qui seraient difficiles de confondre avec le beau monde. Il s'agit des milieux modestes de la société urbaine. Les appareils ne sont pas nécessairement de première main. Au début du XXe siècle, les entreprises de Toula, bastion de la fabrication du samovar, produisent aux alentours de 630 000 samovars par an. Pourtant, il est très rare que les artistes le placent dans un contexte rural. Les heureux propriétaires ne sont pas des paysans pauvres. L'une des premières représentations dépeint une scène passablement idyllique de la vie paysanne. Elle ne sort pas vraiment de la campagne russe. On peut observer autour du samovar une certaine stylisation des scènes populaires. L'évocation de l'univers villageois peut être ironique. Au XIXe siècle, le samovar peut remplir les fonctions du marqueur de milieu aisé, d'une certaine distance sociale, ou les deux à la fois. Un higoumène, le supérieur d'un monastère qui s'éloigne du thé dans une auberge, s'efforce à ne pas remarquer l'invalide décoré, sans doute de la guerre de Crimée, qui mendie. Il y a une certaine harmonie entre la forme du samovar qui sépare les deux mondes et la carrure de l'ecclésiaste. Cette famille est probablement, très probablement, noble. On voit le portrait d'un ancêtre gradé sur le mur. En tout cas, elle embauche une seconde domestique. La curiosité des messieurs est quelque peu louche. Le samovar brille à la rencontre des trois axes que projette la future servante, les figures de la mère, du père et l'un des fils, c'est-à-dire il se trouve dans un point stratégique de la composition. Nous savons que l'artiste était un ami du peuple, mais ceci ne l'empêchait pas de se méfier d'autres amis du peuple. Il avait commencé à peindre cette partie nocturne de Rabiko après le procès bruyant des révolutionnaires et assassins Sergei Nechayev et ses complices qui a fini en 1873. Il n'y aurait pas ajouté grand chose par la suite. La simplicité vestimentaire et les manières populaires des apprentis révolutionnaires sont quelque peu affectées. Je dois laisser les autres détails. Je dirais seulement que le samovar, qui est bien en évidence, est un objet que le peintre associe au luxe de la société aisée où les jeunes radicaux appartiennent. Le samovar n'est sans doute pas partie prenante de l'équipement domestique du travailleur qui sollicite humblement et un peu embarrassé son dû. Dirait-on que le pauvre baisse sa tête devant le samovar? La colonne dorique, au fond, supporte une galerie qui est un peu délabrée, qu'on chercherait en vain dans une hutte. Il n'y a pas deux chaises identiques dans la salle, mais toutes viennent de mobilier élégant. À côté de l'horloge et du portrait, qui ne semble pas être celui d'un ancêtre de cette famille, on a suspendu sur le mur un collier et d'autres instruments. Le pater familias est manifestement un nouveau riche qui vient de s'aménager dans le manoir de gentilhomme déchu. L'a-t-il dévalisé? En tout cas, il passe des bonnes affaires, à l'instar de Yermolaï Lopakhin, de la série Z d'Anton Tchekhov, qui date de 1902, qui abat les arbres du beau jardin du domaine qu'il achète d'une propriétaire terrienne appauvrie. C'est une version du motif Sic transit Gloria Mundi de la toile qui montre la vieille arbre rêveuse. Après la Révolution, Boris Koustodiev se met à peindre plusieurs tableaux de celles qu'il appelle Kopchihi, des femmes de marchands avec leur samovar. Entre 1918 et 1926, il en fait 5, dont le titre fait directement référence à une Kopchiha, et 3 autres qui reprennent les motifs et les figures des premières. Je m'arrêterai seulement sur la plus somptueuse de ces œuvres. Le temps permet seulement des vite remarques. L'habit légèrement vulgaire de la dame, son décolleté, ses formes opulentes qui riment avec les melons et avec le samovar, où l'expression de son visage se passe de commentaires. Les promes, fruit de la séduction, du malin aussi. Le jeune homme rappelle Sergei, l'amant de la sulfureuse Katerina, dans le roman de Nikolai Leskov sur la Lady Macbeth du district de Mtsensk, 1964, qui est marié à un marchand. Un cheval pousse un soupir langoureux au moment où le désir s'empare pour la première fois de Sergei, qui porte à ce moment une chemise rouge, et de la femme fatale provinciale. Elle voit des chats dans les rêves qui annoncent qu'elle assassinera son mari et s'affaire autour d'un samovar quand elle tue le père de celui-ci, moyennant du thé empoisonné. L'engin n'est pas encore refroidi, dit Leskov, quand le vieil homme souffle son âme. Bizarrement, la bouilloire, qui peut devenir fatidique, n'entre pas à l'inventaire des natures mortes jusqu'au début du XXe siècle. Ensuite, il reste pendant longtemps dans son environnement plus ou moins bourgeois. Ceci n'empêche pas l'avant-garde radicale de s'emparer de l'objet dans un premier temps. Il y aura un peu d'ironie ou autodérision dans la plupart des représentations de l'engin dans les premières années post-révolutionnaires, comme s'il impliquait quelque chose de comique ou carrément risible. Le village s'enrichit de quelques samovars grâce au pillage des manoirs. Les exemplaires de ce club proviennent peut-être, sans doute, des demeures de ci-devant. L'un est exhibé manifestement pour symboliser la vie luxurieuse des Kovozniki. La mise en scène est évidente. Il n'y a qu'une seule tasse devant les 4 convives et leurs enfants. Il arrive que la connotation de l'ustensile est franchement négative. Ce n'est pas tout à fait par hasard que ces coulacs, agriculteurs riches qui exploitent le paysan pauvre, conspirent contre le pouvoir soviétique avec un samovar sur la table. Il est peut-être censé masquer le fait qu'ils aggravent le cas en s'imbibant apparemment de sa wagonne de la vodka distillée en cachette. L'appareil peut symboliser l'aisance de l'ouvrier qui vit misérablement avant la Révolution. Mais sa représentation typique implique un milieu rural ou des personnages qui y appartiennent. La citadine achète des fruits et des fleurs. La campagnarde porte un samovar et un cuvier. Ces ouvrières travaillent dans une usine dont le personnel vient presque entièrement du village. L'une boit du thé, de la soucoupe, selon la tradition campagnarde, mais nous ne voyons pas de samovar sur la table. Il n'a pas de place dans une peinture qui montre l'acculturation des citadines de fraîche date. En ce moment, moins de la moitié des environ 100 000 samovars commercialisés par an sont vendus dans les campagnes, alors que les citadins constituent à peine un tiers de la population. Malgré tout, l'engin est de plus en plus associé au train de vie rural. C'est un tableau immense, pas moins de 252 sur 400 cm. À y regarder de près, le samovar et l'accordéon sont les seuls objets du village qu'on peut prendre pour produits industriels. Encore un tableau de dimension immense, pas moins de 252 sur 400 cm. À y regarder de près, le samovar et encore un tableau, il mesure 288 sur 307 cm. Il est d'une grande richesse, mais je m'arrêterai seulement sur les 3 samovars qu'il montre. Le premier se trouve devant des jeunes pionniers qui ne sont pas censés boire des liquides plus vivifiants. Le second devant 2 compagnards dont la fraternité n'a pas l'air d'être cimentée par le thé. Le troisième est devant une vieille paysanne solitaire dont le motif réapparaîtra plus tard. Ces engins ajoutent de la couleur locale à la scène. Ils font figure de quelque chose d'exotique dans un milieu qui est à certains égards colonial, encadré qu'il est par quelques emblèmes d'une modernité qui ne le touche pas nécessairement, excessivement, par des militaires bienveillants et ici par des citadins que nous voyons s'amuser entre eux sur la partie gauche de la peinture, séparés des villageois. Ils ne se mêlent pas au peuple du samovar. Il fut un temps où le samovar marquait avant tout une société plus ou moins élégante, avec ses bonnes manières et avec la distance qui la séparait des gens moins fortunés et des pauvres. Il marquait une distinction sociale qui allait s'atténuer quelque peu. Les samovars soviétiques, qu'on vient de voir, marquent un milieu de créatures légèrement archaïques, mais inoffensives, inimaginables d'être en conflit avec le reste de la société. Comme si la collectivisation violente du village n'avait pas eu lieu. La distinction que les ustensiles dénotent devient avant tout temporelle. Ils assimilent leurs usagers au passé. Je n'ai pas le temps pour parler de la configuration citadine où les peintres placent des samovars. De toute façon, ils le font très rarement. Quand ils le font, la bouilloire apparaît dans un environnement qu'on associerait à une classe moyenne soviétique. La classe ouvrière ne s'attarde pas autour d'un samovar. Le motif dominant dans l'art soviétique reste le rapport étroit entre l'objet, le monde paysan et le passé. Rien n'indique que les jeunes de la famille soient des simples paysans, même s'ils habitent une maison villageoise. Mais le grand-père est un moujik, quoique suffisamment acculturé pour boire son thé d'un verre, alors que la babushka en est encore à la soucoupe. Voici un jeune homme qui se cramponne, lui aussi, au koutoum, y compris des vestimentaires qu'on assimilerait à un autre âge. Notons le sourire équivoque de la Joconde, le drap à gauche, comme s'il entourait une icône, et l'étagère qui ressemble à celle où l'on place traditionnellement des images saintes. Il serait inimaginable de représenter un travailleur exemplaire de l'industrie en compagnie de l'engin de notre curiosité, alors qu'il semble manifestement naturel pour l'artiste de peindre une treilleuse héroïque avec l'objet qu'il assimile au bon sauvage de contrées exotiques. Il ne s'agit pas nécessairement d'une démarche trop réfléchie. La bouilloire, qu'on imagine un peu anachronique dans un monde qui est moderne selon le discours soviétique, est bien à sa place au village. C'est un marqueur que l'artiste plante quelque part dès qu'il peint un intérieur rural. Il ne le ferait pas aussi spontanément dans un intérieur urbain et certainement jamais dans la demeure d'un ouvrier. La vodka devant le vétéran décoré ne doit pas tromper. Son recueillement montre qu'il évoque le souvenir des camarades qui n'ont pas vécu la victoire sur les nazis avant de boire un coup à leur mémoire. Le samovar sépare légèrement les parents des jeunes. La fille qui sert est habillée modestement à la villageoise. Plus que probablement, elle est la mère des deux enfants. Le jeune gentleman a une chevelure qui avait quelque chance de choquer le soviétique modèle de l'époque, tout comme la longueur de la robe de sa bien-aimée. On se demande si leur commerce n'est pas déplacé à un moment aussi solennel, d'autant plus que le jeune homme a déjà entamé sa vodka au lieu d'attendre que le vétéran finisse son recueillement. L'engin, qui est au milieu du cercle que forment les personnages, est partie prenante d'un cercle plus intime qui comprend le garçon et les vieux. Comme si ces derniers appartenaient plus au monde que le samovar représente qu'à celui de la génération qui ne semble pas faire grand cas de la fête des héros et de la guerre. Le samovar s'établit de plus en plus comme marqueur d'une authenticité rurale, comme enracinement dans cette authenticité et même l'authenticité tout court. Par exemple, il est assorti d'attributs de la vie paysanne sur les natures mortes. Les années 60 et 70 sont la grande époque de la soi-disant proche villageoise qui dépeint le monde paysan et ses vertus, tantôt incontestables, tantôt exagérées, tantôt inexistantes, comme un paradis perdu. Ces auteurs encensent une tradition qu'Eric Hobsbawm n'hésiterait pas de taxer d'invention. Les écrivains de ce courant mettent souvent des vieilles femmes au centre de leurs récits. Elles incarnent des valeurs humaines authentiques et elles peuvent apparaître comme des foulants dieux, comme la Matryona de Solzhenitsyn, la maison de Matryona en 1959-62, ou comme des personnages agiographiques, comme la Daria de Vassil Bielov, c'est la guerre, 1960, ou l'autre Daria classique, celle de Valentin Rasputin, Les Adieux, 1976. Les deux Daria, qui sont des gardiennes de l'authenticité, ont des samovars et boivent du thé de la soucoupe. La Daria de Rasputin est profondément religieuse. Elle ne quitte pas l'île où elle a vécu toute sa vie quand on l'inonde pour construire un barrage. C'est ainsi que le samovar apparaît souvent en compagnie de vieilles paysannes solitaires. Il est une sorte de lieu de mémoire, une évocation de temps perdu. Certainement, pas d'année faste, comme en témoigne le goût courbé et la main déformée de cette femme qui a passé toute sa vie dans les travaux durs des champs. Nous la voyons à contre-jour. Mais son visage est la source d'une triste lumière crépusculaire. Jusqu'environ des années 60, le samovar représentait le passé dont la société soviétique était censée progresser vers l'avenir. Plus tard, il devenait lentement le symbole de valeur qu'on devait retrouver en rebroussant le chemin. La bouilloire, a priori vulgaire, devient une véritable icône. Il y a un artiste qui réussit à concilier les deux meilleurs mondes possibles. Le chef disparu était un soldat rouge. Son portrait occupe la place de l'icône. Notons l'église et le fait que l'artiste se débrouille pour ne pas peindre les croix qui sont censées la coiffer. Le samovar iconique peut symboliser les souffrances de la guerre que la guerre a infligées à la Russie ou, si l'on veut, la Russie martyrisée. Yuri Trifonov écrit en 1970 dans son bilan préalable que les artistes qui gagnent leur vie en barbouillant des affiches d'agitprop se ruent sur les villages et sur les magasins d'antiquités pour se procurer des icônes et des samovars qui sont devenus des objets cultes pour l'intellectuel qui se croit original. Le vieux samovar de l'un de ces artistes est évidemment une pièce d'exposition. Notons aussi les icônes. La belle collection de l'autre est plutôt censée chauffer le cœur des invités que de l'eau pour le thé. La petite exposition fait pendant à la véritable iconostase qui orne le mur. L'ustensile illustre devient un objet qui valorise son propriété en lui procurant en quelque sorte une aura d'authenticité. Il peut occuper une place d'honneur dans l'atelier d'un peintre. L'artiste tient à souligner que cette pièce est sa Lamangée. Enfin, le titre suggère que la Madone touchante est moins importante que le fait que son foyer, et présumablement celui de l'auteur, possède un samovar. Une historienne de l'appareil prestigieux écrit, sans donner aucun chiffre, que la production déjà maigre de l'appareil a diminué après la guerre. L'une des raisons pouvait être le fait qu'il n'était sans doute pas simple d'allumer des chaudières qui crachaient de la fumée dans les appartements exigus des soviétiques, et la place devait décidément manquer dans les appartements communautaires, le communalti. Une demande existait malgré tout, si bien qu'à la fin des années 50, on a mis au point la technologie du samovar électrique. Des millions d'exemplaires sortaient de la chaîne par la suite. Les photographes qui a mis en scène le bonheur de cette famille nombreuse, n'a pas manqué d'en placer un au milieu de la table et de l'entourer de tasses vides. Il en va de soi, comme en 1970, dans une nouvelle, Vassili Chouchin, se moque de l'intellectuel déraciné qui débarque dans son village natal avec un samovar électrique comme cadeau. Il ne surprend pas que certains peintres post-soviétiques affectionnent la combinaison du samovar et de l'icône et proclament à l'occasion que l'arrangement parlant se trouve sous leur toit. On ne s'étonne pas non plus de constater qu'ils ont des collègues qui s'efforcent de l'identifier comme un objet appartenant aux profondeurs d'une tradition populaire qui rappelle l'authenticité de Disneyland. Il est peut-être plus insolite qu'il y en a qui se plaisent à fabriquer des variations sur le thème de Kupchiki, des Kupchiki de Koustodiev. Il s'agit de broder sur un ton qui se veut ironique sur le motif de la femme fatale. La littérature et la peinture de l'Union soviétique crépusculaire plaçaient des figures maternelles vénérables, voire des figures véritablement sacralisées auprès des ustensiles emblématiques. La critique littéraire de l'époque n'hésitait pas à évoquer l'image de la mère Russie. Aujourd'hui, l'authenticité prétendue de la chaudière respectable et l'enracinement dans la terre russe qu'elle peut symboliser se trouvent associés à des mégères, aux passions suspectes dont les peintres se moquent avec plus ou moins de sens d'humour. Veulent-ils les dénoncer comme les artistes de jadis voulaient mettre en cause une distance sociale? Ont-ils assez du tapage patriotico-nostalgique de nos jours? Sont-ils conscients des implications des conventions qu'ils caricaturent? Du reste, sommes-nous de retour à la case de départ? Quoi qu'il en soit, l'idylle de ce passé est aussi authentique que celui des peintres pour qui le samovar dénote les vertus du village. Il est remarquable qu'on ne trouve guère de tableaux où les simples citoyens de nos jours seraient peints en sirotant paisiblement du thé devant un samovar. En revanche, il y a au moins un artiste qui saisit son pinceau pour dresser un autel qui réunit le samovar, la Bible, et le petit verre à pied pour boire un coup à la mémoire des héros tombés, ou la chaudière magique avec l'uniforme des aïeurs et le portrait du tsar. Il évoque une tradition cosaque qui sort carrément du monde des opérettes. Le passé est tragique, suggère l'artiste. Mais il nous donne de l'espoir, ou il nous désespère, le matin ensoleillé annonce que le passé héroïque est en train de renaître. Dans un premier temps, notre engin marquait des environnements et des rapports sociaux particuliers. Plus tard, il renvoyait à un archaïsme qui pouvait faire sourire sous un régime qui se prenait pour modernisateur. Dans un troisième temps, qui perdure, il commençait à représenter des univers rêvés et perdus, incompatibles avec le succès douteux des tentatives énergiques de modernisation et avec un quotidien décevant ou détestable qu'ils ont produit. Originellement, le samovar se situait dans le présent. Ensuite, il est devenu le vestige d'une époque révolue. Pour l'instant, il appartient avant tout à un passé que ses chantres croient utile. Merci de votre attention.